Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo 107 FM, mais vous pouvez également nous écouter en streaming depuis notre site internet www.radioguémozo.eu. Et aujourd'hui, avec nous par téléphone, Emma Bignon, chargée de communication à la Souris Verte, qui va nous éclairer sur la programmation de janvier-février. Emma, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. On redémarre assez fort. Eh ben oui, il y a beaucoup de choses de prévues cette année. Alors on va pas vous dire tout d'un coup, mais il y a vraiment beaucoup de choses là prévues sur cette année. Beaucoup d'éclectisme comme toujours à la Souris Verte. Et voilà la reprise, comme tu le disais, eh bien c'est très bientôt. Ça se passe jeudi 23 janvier à 20h30 avec Lucky Peterson. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un chanteur américain blues, c'est vraiment une pointure du blues. Il fête ses 50 ans de carrière. Oui, oui. Et il a juste 55 ans. Ah, oui. Parce qu'il a commencé très très tôt avec son père qui tenait un club de blues en fait quand il était jeune. En effet. Donc la première partie, ça reste un petit peu dans le même thème? Oui, alors Dom Ferrer, oui, donc c'est tout à fait dans le même thème, lui en solo avec sa guitare. Et c'est un Français qui a beaucoup parcouru les États-Unis pour justement s'inspirer du blues de là-bas. Super, on a hâte d'entendre ça. Ça continuera le vendredi 31 janvier à 20h30, alors avec cette fois-ci, ce sera de l'indie électro, si je ne me trompe. Tout à fait, donc c'est Epic Schmetterling. Et ensuite on a en première partie, il y a deux premières parties. Il y a Noyus et Good Morning Sunshine. D'accord. Donc, c'est des Strasbourgeois qui sont dans donc, un truc très indé, électro et très électrique aussi, parce qu'il y a des sons de guitare un peu stridents comme ça. D'accord. C'est très original. Ils utilisent aussi sur scène une technologie un peu rétro avec des vieux claviers d'ordinateur, un contrôleur Guitar Hero, une Game Boy. Ah oui. Voilà, donc ils s'amusent beaucoup. Ah, c'est sympa. La première partie de la première partie, du coup, ce sera avec Noyus, c'est ça? Alors, eux, ils viennent de Lituanie? Oui, ils viennent de Lituanie. Et donc, c'est vraiment dans le même style. Ils tournent très souvent avec Epic Schmetterling, en fait. Donc, ils sont... voilà, c'est leur tour support. Et c'est à découvrir aussi, puisque c'est complètement dans le même style, un peu décalé. Voilà, avec aussi des utilisations un peu improbables sur scène. Donc ça se jouera aussi visuellement qu'auditivement, ça c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il y a des nouveaux styles cette année proposés à la Souris Verte, des styles que vous n'aviez jamais présentés au public encore? A priori, non. Non. On a un peu fait le tour, je pense, des styles. Ouais. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple... en ce moment, on a un groupe en résidence qui fait de la musique irlandaise. Ah oui. Ouais, donc revisiter un petit peu à la sauce actuelle, ce qui fait qu'on peut proposer aussi ce genre de choses, et qui feront sûrement des actions culturelles l'année prochaine, pas cette année. Alors la Souris Verte travaille aussi depuis plusieurs années en partenariat avec l'ESA, l'École supérieure d'art de Lorraine d'Épinal, et il me semble que c'est d'ailleurs une de ses étudiantes qui a réalisé le visuel du trimestre janvier-mars sur votre site internet. Oui, tout à fait, elle s'appelle Axel Van Zel, oui. L'ESA. Là, elle a travaillé sur un visuel avec un monstre parce que dans la programmation, elle s'est inspirée d'un groupe dont on parlera plus tard, mais qui s'appelle Lordi. Ah oui. C'est du rock metal et ils sont habillés en monstres sur scène. Donc c'est pour ça qu'elle s'est inspirée de ça. Elle s'est inspirée, d'accord. Donc la programmation pour le mois de février, ben ça commencera le samedi 8 à 20h30 avec cette fois-ci Diego Palavas pour du punk rock. Tout à fait. Donc Diego Palavas, il tourne beaucoup quand même en France et en fait ils ont un style un petit peu cynique sur scène. C'est aussi un petit peu une sorte d'imposture entre le punk rock très bien joué et l'autodérision. C'est assez bien fait. Donc ils présentent leur quatrième album en cavale ou alors pas du tout, ils revisiteront un petit peu tout ce qu'ils ont déjà fait? Ce sera essentiellement leur quatrième album, en cavale, tout D'accord. à fait. Parce que c'est quand même un grand nom, on voit 15 ans de carrière. 15 ans de carrière, 500 concerts, ils tournent beaucoup. Donc leur première partie sera Hystérie Collective, donc ça c'est du punk vosgien. Tout à fait, c'est un groupe qui est donc sur le territoire vosgien, qui vient répéter aussi chez nous dans les studios. D'accord, donc ils sont 5. Voilà, ils sont 5 et ils ont aussi été sélectionnés dans en tremplin qui a été organisé sur le département des Vosges. Donc ça nous paraissait naturel de présenter aussi ce qu'ils font. Mais oui, on laisse une place au local, bien entendu, à la souris verte. Voilà. Le week-end du 14 et 15 février, il sera un petit peu différent. Alors, c'est le Festival des cultures urbaines qui, je cite, suite au succès de la première édition, passera cette année à 2 jours. Donc, le 14 et le 15 février. Alors, dans différents lieux. Tout à fait. Donc, le 14 février, c'est complètement hors les murs, hein, celui-ci. Oui. Donc, il y a une, ça commence à 19h à la bibliothèque municipale d'Épinal. D'accord. Donc avec de la danse hip-hop, oui. Il s'approprie complètement les lieux pour performer avec une association qui s'appelle Street Harmony qui fait de la danse sur Nancy. D'accord. Et à 21h, s'ensuit à la Lune en parachute, donc ça c'est la plomberie. Oui. Deux concerts, un concert de El Maout et de DJ John. Donc El Maout, c'est de l'électro buccal, il s'inspire de plein de choses avec il fait beaucoup de samples, il enregistre ses voix, il fait du beatbox et il est complètement décalé. Alors El Maout, ça veut dire le bélier en breton. D'accord. Et il a beaucoup travaillé son set en Bretagne justement et c'est naturellement qu'il est venu jusqu'ici nous présenter son nouveau set. Et DJ John qui fait partie du groupe Infréquençable. Oui, tout à fait. Oui. Okay. Donc là, c'est pour clôturer un petit peu la soirée, pour que les gens dansent et s'amusent sur, C'est super. Sur justement la Lune en parachute où il y aura en même temps une exposition de Bézal. Eh oui, donc là c'est gratuit mais sur réservation obligatoire, hein. On se rend à la Souris Verte pour la billetterie ou sur le site internet ? Oui voilà, tout à fait, c'est de la billetterie mais c'est une réservation à 0€ en fait. Ok. Voilà, c'est comme la jauge est limitée là-bas, on est obligé de faire ce genre de démarche pour que les gens pensent à s'inscrire avant pour être sûr d'avoir une place. Ok, donc ce festival des cultures urbaines continuera donc le samedi 15 février, cette fois-ci à la Souris Verte. Oui. Qu'est-ce qui se passera ? Voilà, alors là, beaucoup de choses. Alors un petit peu comme l'année dernière, on réinvestit tout l'espace de la Souris Verte. Il va y avoir, on met en avant les associations locales pour travailler avec nous. Donc il y aura des stages, des masterclass aussi de danse hip-hop, donc avec l'association Street Harmony Nancy, mais aussi avec Kevin Brio qui donne des cours à Épinal. D'accord. Il y aura l'association Woodman qui présente, qui aura un stand avec une rampe de skate qu'on va installer dans la Souris Verte. Ah oui, quand même. Oui, pour faire des petites démos, pour montrer un peu tout ça. Oui. Et puis, on aura aussi l'association Le 46 qui va faire une performance de graphe dans le backstage de la Souris Verte. D'accord. Donc une énorme toile qui, comme l'année dernière, sera ensuite exposée aussi dans le backstage. Voilà. Okay. Une animation sérigraphie, donc là je préviens que ce serait super si les gens ramenaient leur propre t-shirt de couleur claire, plus précisément. Okay. Puisque l'association va sérigraphier un logo Break the Ice sur les t-shirts, les gens pourront repartir avec. Ah, c'est chouette. Oui, okay. Voilà. Après, on a beaucoup de choses. On a une grosse battle de danse hip-hop aussi organisée par Street Harmony, avec quand même un lot à gagner d'à peu près 400€. Mmh. Voilà. Et donc, avec un jury assez connu, dont on dévoilera le nom très prochainement. Ah. On se tient informé sur les réseaux de la Souris, sur Facebook, par exemple ? Voilà, Facebook, le site internet. Oui. Tout est en ligne. Voilà, la battle, faut s'inscrire sur l'événement Facebook, par exemple. Ok, d'accord. Donc... Et pour terminer, la soirée avec deux concerts à 20h30, donc au tarif unique de 5€. Comment ? C'est pas mal. Ça va. Et c'est Scratch Bandicoot, donc c'est un duo de scratch qui est assez connu sous le label de Chinese Man Records. Oui. Et Yoshidi Original, qui lui aussi fait du hip-hop et du scratch. Eh ben dis donc, ça promet. Ça a l'air vraiment sympa. Ça avait bien fonctionné ce festival l'année dernière ? Ça avait très très bien fonctionné, d'autant plus que donc l'après-midi à la Souris Verte, tout est gratuit. Hein. Eh oui. C'est très familial, c'est une bonne ambiance, où vous pouvez venir avec vos enfants. Il n'y a pas de souci. Avec vos parents, pourquoi pas. Et voilà. Tout le monde est bienvenu. C'est super. Alors pour conclure ce mois de février, eh ben ce sera le 28 à 20h30. Et là, ce sera du rock avec Kokomo. Kokomo, tout à fait. Donc qui est un groupe qui monte beaucoup, c'est un duo aussi, hein, rock. Oui. Donc ils sont aux machines, batterie et guitare. Et ils ont déjà donné quand même 250 concerts dans le monde, mais sont connus en France que assez récemment finalement. D'accord. Voilà. Okay. Et en première partie, The Moon Drivers, qui est un groupe rock un peu fusion, qui vient de Nancy. Alors toutes les places de concert peuvent être achetées en pré-vente ou sur place. Oui. Mmh. C'est toujours plus cher le soir du concert. Donc, okay. Précise qu'il vaut mieux prendre en pré-vente, voilà, sur Internet ou venir à la billetterie de la Souris Verte. Les tarifs sont accessibles, donc il y en a pour tous les budgets. Tout à fait. Et n'oubliez pas que vous pouvez adhérer aussi à la Souris Verte et ainsi avoir des avantages et surtout des réductions, parfois. Il y a une carte d'adhésion qui est à 15€ en plein tarif, mais qui donne droit à un concert gratuit au choix dans la saison. D'accord. Et ensuite des réductions sur tous les autres concerts. Donc n'oubliez pas, eh bien, vous pouvez retrouver toute cette programmation sur le site internet de La Souris Verte. Pour Facebook et Instagram, c'est lasourisverte.épinal. Merci beaucoup Emma pour voilà, cet éclaircissement sur la programmation à venir pour janvier et février à La Souris Verte. On se retrouvera prochainement pour continuer sur ce premier trimestre avec mars et avril. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup à toi en tout cas de nous avoir accordé de ton temps. Eh bien, merci à vous. Merci. Merci. I ain't never meant to cause you any sorrow. I ain't never meant to cause you any pain. I only want one time to see you laughing. I only want to see you laughing in the rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain. Something